Donzo, avant le jour et la nuit, poupée de cire, poupée de sang. Eh, hey, Mélodie, ce soir je te fais la totale. Je t'opère tout à fond sans freiner pour les dos d'âme. Ça va être tendre et intense, à la fois c'est mon style. J'ai de l'or dans les doigts, t'es moi l'état de mon stylo. Je vais te laisser des stigmates, morsures, griffures. Le corps lacéré par la violence de l'écriture. Criblé de vie, sur la mesure, j'aime dribbler, entraîner Mélodie dans un corps à corps débridé. Briller demi-feu comme un ghetto un soir d'émeute. Rien de mieux qu'un massage ou un petit texte pour défaire les nœuds. Les haineux, cachés derrière la porte en embuscade. Ils veulent quoi? Que je prenne une grenade et que j'en bute 4. Je suis le cinquième quart, celui qui fait déborder le vase. Pas de vaseline pour Mélodie, ce soir je suis d'humeur grivoise. Dans mon grimoire, j'ajoute quelques formules magiques. Tire une natte sur mon district de rhinopharyngique. La vie coule de source et m'entoure comme un cerceau. Poupée de cire, à manier plus tous ces versos. Je monte les échelons de son plaisir sans me presser. Poupée de sang s'anime, ne qu'une partie de fesse. Le son coule de source et m'entoure comme un cerceau. Poupée de cire, à manier plus tous ces versos. Je monte les échelons de Mélodie sans me presser. Poupée de sang s'anime, ne qu'une partie de fesse. J'perds ces soirées à me bourrer dans les boîtes et les bars. La valo sur le parking, j'provoque des débats. Pas de pas, l'hiverne, pas de sport d'hiver. Deux, trois faits divers, des fortunes diverses. Fixe un point sur cette feuille, déverse comme un torrent. Flippant, comme une bande de jeunes t'entourant. Tour à tour, que de fil ou en pôle. J'vais pas passer ma vie à pleurer que j'ai pas de peau. J'm'impose dans ma discipline comme un sportif. Ils attendent que j'sois en sorte pour me pousser dans les ordis. Porté par un son de ma carotte et enceinte. J'ai pas pour habitude d'agresser les passants. J'patiente, attends vainement, ce pote n'arrive pas. Vu que tout arrive, j'connais le tarif. Ici on rêve pas, on répare pas le passé avec des pansements. La seule règle, c'est que tout le monde s'en parle de ce que t'en penses. Ni modeste, ni arrogant, auteur de phrases marquantes. J'respire, j'veux pas gâcher ma vie en braquant. Ramène pas ta science si t'as le charisme d'un pied de chaise. Des petits chefs veulent ma vie, ma gourmette et ma chaise. J'déchaîne mes passions, passe du corps à la. Prends soin de ma santé en buvant du coca là. J'me balade, paraît que mon rap est trop classique. Engagé dans le son, ça marche arrière dans un cul-de-sac. Sacrilège souvent, mes créants athées. Tous les dimanches, j'me lève la tête dans le pâté. Et j't'emmerde, t'as moins costard, j'ai les épaules. Perquis dans le texte, sur mon son, mandat de dépôt. L'album, par tous les moyens, faut que tu te le procures. Décennies décimées avant de bouger mon gros cul. J't'occupe les détails pour t'éviter de flipper. Dis-toi que Donzo, c'est de la balle et que ma vie est un flipper. La vie coule de source et m'entoure comme un cerceau. Poupée de cire, à manier plus tous ces versos. J'monte les échelons de son plaisir sans me presser. Poupée de sang s'anime, ne qu'une partie de fesse. Le son coule de source et m'entoure comme un cerceau. Poupée de cire, à manier plus tous ces versos. J'monte les échelons de mélodie sans me presser. Poupée de sang s'anime, ne qu'une partie de fesse. J'vois plus rien quand j'écris des rimes pendant des semaines. Le concept, c'est que j'veux pas finir quand maîtrise. Non merci, dans le silence, relis mes pattes de mouche. Le jour change de peau dans le texte, l'ambiance devient moche. J'm'allonge auprès d'une hirondelle de passage. Équipe la étale qui sente bien sans corps de solfège. Cotate, figure de style, d'ambiance bizarre. Donzo avec un Z comme au milieu de grilla. J'arrive à penser qu'on vaut pas mieux que des bêtes. Dans ce monde, y'a peut-être plus que les putes qui soient honnêtes. Honnêtes, qui renifle en cherchant son produit. J'leur dis que de Diego, j'ai que le maillot brodé. J'regarde passer les cons à ma fête comme Brassens. Sommes-nous si mauvais parce qu'on rêve tous de brasser. Bloqués dans leur délire de ralca, ils s'étouffent. Si t'as rien à dire, ferme-la, sayonara, c'est tout. La vie coule de source et m'entoure comme un cerceau. Poupée de cire, à manier plus tous ces berceaux. J'monte les échelons de son plaisir sans me presser. Poupée de sang s'anime, ne qu'une partie de fesse. Le son coule de source et m'entoure comme un cerceau. Poupée de cire, à manier plus tous ces berceaux. J'monte les échelons de mélodie sans me presser. Poupée de sang s'anime, ne qu'une partie de fesse. Sur ma presqu'île, j'rêve Banque de France à me faire pesquer. Puis l'image se brise comme un panneau en plexi. Ça vient du plexus, vu que dame vie est une cata, hein. L'histoire des humains se résume à une cata, hein. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, ben j'sais pas. J'suis autodidacte, c'est ici que nos chemins se séparent. J'suis pas ton père, ni un exemple, ni un modèle. Modère, comme un an Nikers, man sans trop d'aide. Vas-y poule, envoie le son que j'ai traumatise tous. Comme ton père ennemi, te faire raquer plein pot sans riston. Pareil qu'en m'écoutant, certains darons sont choqués. Pendant que leur fille avec un vieux porc est en train de chasser. Chasser, l'instruirant les armes sur mes coups de boutoir. Elle aime quand je la prends à la sauvage comme un butoir. Rime de putois, sans que la vraie vie que tu vis toi. Et dis-toi qu'à chaque fin de texte je crie victoire.